Internaute, écoute-moi, si tu n'es pas pirate, tu peux devenir un des nôtres. Par serveur PHP, tu vois des MP3, tu es lentement les CD. Grâce à un programme payant, qui se fera comme tous les programmes. Fléopet, Internet, paye l'accès et rejoins le clan de Napster. Sur Napster, t'y trouveras des chansons très connues de tes artistes préférés. Par contre, si un flicard te chauffe en plein transfert, il t'emmènera au placard. Maladie terrible du show business, incurable et improductive. Fléopète, Internet, paye l'accès et rejoins le clan de Napster. Oh,